que c'est fini, même si je te supplie, même si je pleure et j'ai pleuré. Je t'ai dit, Julie, qu'enfin j'étais sûr, moi qui doute de tout, supplie d'un Dieu auquel tu ne crois pas. Pas de pourrir dans le ventre, pas d'envie de désir, dans la gorge pas de sourire, dans les yeux pas de du noir et blanc sans même de la retenue qui ennui, de la poésie contemplative, ce qui personne ne lit. Julie, je suis le gars qui t'a ému, le gars qui t'a fait fantasme, le gars que t'avais hâte de revoir, le gars qui rêve. Le gars qui disait les choses douces, le gars qui t'a donné envie, le gars qui t'a fait pleurer, le gars. C'est Julie, que c'est fini, même si je te supplie, même si je